savez que vous cachez et mentir. Moi, je n'aurai jamais ce problème. Moi, même quand je mens, c'est vrai. Maintenant, dites bonne nuit au mauvais garçon. Ouais, franchement, c'est carré. Restons zen zen. J'suis le capitaine ten. J'suis le numéro ten ten. J'suis au contact, l'ami. J'écris toute la nuit. Le rap, j'ai fait l'amour. Je l'ai marqué à vie. J'ai fumé plus dilaté. Je l'ai plus dilaté. Moi, si j'te fais la guerre, c'est pour avoir la paix. J'reste le même ici ou à Paris. J'ai changé, il paraît. Alors, comme ça, j'ai fait le pareil. J'm'en mets dans la narine. Ça joue avec mes couilles. J'extériorise ma rage. L'argent se monte à la tête. J'suis plus trop dans les parages. On sait pas de quoi être demain. Tu peux caler si vite. Y'a un bruit. J'ai chargé. J'ai fumé. J'fume comme un ambiance. J'me rappelle avant. Mais la faux que j'me donne la fin. Que je choque la phrase. Mon de fuck. Ça pas donné la force. Comme berce à la phrase. Et au phrasé. J'fais vous écraser. Patate au phrasé. Les percutes. J'envoie dans les frisés. J'prends pas sur les réseaux. J'suis avec les uns. Ou raisins. On est pas beaucoup. 4 ou 5. En bruit. On n'est pas ça. Moi j'te coûte. Qu'est pas chaud. Qu'est pas ça. Que tu fais le crasseux. Tu défonces pas ma chambre. Fais pas la bise. Me parle pas de bise. En 13 puntos. À la base. J'suis un chien de la casse. On va et quand je nique tout. Cette année j'suis dans la place. C'est le rappeur qui fait des sous. Mais qui s'habille jamais classe. M'en bats les couilles, je brise tout. J'suis anti double face. Et celui qui fait le fou, on va le remettre à sa place. M'en bats les couilles, je nique tout. Cette année j'suis dans la place. C'est le rappeur qui fait des sous. Mais qui s'habille jamais classe. M'en bats les couilles, je brise tout. J'suis anti double face. Et celui qui fait le fou, on va le remettre à sa place. Vraiment déçu. I'm a shocking, à dire que je te fais croquer sur certains showcase. Je te balle tout, je regarde pas derrière, mes couilles et mon cas. Lâche-toi, parle-moi de tout, le bon le mauvais temps. Tiens pour tout leur donner, ils veulent être toi, ils veulent ton fric. Les gens ils voient plus tout, j'ai l'impression qu'ils voient un prix. Tu fais dans le froc, t'as le parquet qu'on convoque, ils veulent te voir le proc. Tu réponds, je sais pas, je me rappelle plus, t'as à l'époque. Mon pote, je suis dégain, je suis pas un voyou. Un chien, j'allais jusqu'à Pépin pour faire de la musique. Couvert en Vespa, je fais les mains sur le pot. Ils parlent, ils connaissent pas, je suis sérieux, je m'amuse pas. T'es connu pire, j'ai le cœur froid comme l'Antarctique. Ça me fait rire quand on me descend dans certains articles. Rien à dire, je coupais les citrons, je suis dans la partie. Si tu buzz, tu feras des jaloux dans le quartier. Oh là là, que de la réalité, ça fait bim bim. Je te fais que cram cram, bam bam. Je lâche tout au mic, qu'est-ce que t'entends? Ça fait toujours plaisir d'être mis dans les tendances. Qu'est-ce que t'en penses? Là le temps passe, jamais je temporise. Bientôt je serai ailleurs, je serai retrait. M'en bats les couilles, je nique tout. Cette année je suis dans la place. C'est le rappeur qui fait des sous. Mais qui s'habille jamais classe. M'en bats les couilles, je brise tout. Je suis anti double face. Et celui qui fait le fou, on va le remettre à sa place. M'en bats les couilles, je nique tout. Cette année je suis dans la place. C'est le rappeur qui fait des sous. Mais qui s'habille jamais classe. M'en bats les couilles, je brise tout. Je suis anti double face. Et celui qui fait le fou, on va le remettre à sa place. M'en bats les couilles, je nique tout. Cette année je suis dans la place. C'est le rappeur qui fait des sous. Mais qui s'habille jamais classe. M'en bats les couilles, je brise tout. Je suis anti double face. Et celui qui fait le fou, on va le remettre à sa place. M'en bats les couilles, je nique tout. Cette année je suis dans la place. C'est le rappeur qui fait des sous. Mais qui s'habille jamais classe. M'en bats les couilles, je brise tout. Je suis anti double face. Et celui qui fait le fou, on va le remettre à sa place. Liberta, liberta pour les frérots condamnés. On est là, on va tout péter comme d'habitude. Album gratuit, volume 5. Gros big up à Mido. Et merci à la zone. Et merci à Team Doré Platine. Ouais, la Team Joule. Merci à la zone de Marseille à Paris. Ouais, on est là. En passant par Lyon, Saint-Etienne, Toulouse. On présente le 13 comme d'habitude. À zone en personne. On dit merci à Guy aussi. Cherche pas nos habitudes. Mentalité de bitume. Ouais, ça a l'air les 13 bon.